cache souvent les secrets. C'est pour ça qu'on les crie en hurlant, pour ne pas qu'on les voit. On se donne la seconde quand la chance s'en va, enfermée dans la honte. On ne peut pas être coupable d'avoir fait le tour de la table. On ne peut pas être coupable. On ne peut pas être coupable d'avoir fait le tour de la table. On ne peut pas non être coupable. Pour ne pas se déchirer, on s'invente un toit, un petit monde confiné où les secrets sont rois. Une femme que l'on féconde ne s'en remet pas. On déforme la ronde, mais on ne peut pas être coupable d'avoir quitté le bac à sable. On ne peut pas être coupable, mais on ne peut pas non être coupable d'avoir quitté le bac à sable. On ne peut pas non être coupable. Le rideau est tombé, ainsi plissent les paroles. Jeune fille abusée, quand à la peau te colle. Le souvenir souillé, un soir après l'école. On réforme la ronde, on ne peut pas être coupable d'avoir un jour croisé le diable. On ne peut pas être accusé d'avoir un jour été violé. Non, on ne peut pas être coupable d'avoir un jour croisé le diable. On ne peut pas